Dixième chapitre. Deux ou trois jours après, un soir au casino, on causait par hasard des anciens temps. Le gros percepteur Hahn célébrait les mœurs d'autrefois, les promenades en traîneau l'hiver, le bon papa Christian, dans sa houppelande doublée de renard et ses grosses bottes fourrées d'agneau, le bonnet de loutre tiré sur les oreilles et les gants jusqu'aux coudes, conduisant toute sa famille à la cime du Rotalps, admirer les bois couverts de givre. Et les jeunes gens de la ville suivant à cheval la promenade et jetant à la dérobée un regard d'amour sur la jolie couvée de jeunes filles enveloppées de leurs pèlerines, le petit nez rose enfoui dans le minon de cygne, plus blanc que la neige. « Ah, le bon temps » disait-il. Bientôt après, toute la ville apprenait que le jeune conseiller Lobstein ou monsieur le tabellion Münz était fiancé avec la petite Lotchen, la jolie Rosa ou la grande Wilhelmine, et c'était au milieu des neiges que l'amour avait pris naissance sous l'œil même des parents. D'autres fois, on se réunissait dans la Madame Hütte, salle de danse, en pleine foire. Tous les rangs se confondaient, la noblesse, la bourgeoisie, le peuple. On ne s'inquiétait pas de savoir si vous étiez comte ou baron, mais bon valseur. Allez donc trouver un abandon pareil de nos jours. Depuis qu'on fait tant de nouveaux nobles, ils ont toujours peur qu'on les confonde avec la populace. » Hahn vantait aussi les petits concerts, la bonne musique de chambre, élégante et naïve, des vieux temps, à laquelle on a substitué le fracas des grandes ouvertures et la mélodie sombre des symphonies. Rien qu'à l'entendre, il vous semblait voir le vieux conseiller Baumgarten, en perruque poudrée à la frima et grand habit carré, le violoncelle appuyé contre la jambe et l'archet en équerre sur les cordes, mademoiselle Séraphia Schmidt au clavecin, entre les deux candélabres, les violons penchés tout autour, l'œil sur le cahier et plus loin, le cercle des amis dans l'ombre. Ces images touchaient tout le monde, et le grand Schultz lui-même, se balançant sur sa chaise, un de ses genoux pointus entre les mains et les yeux au plafond, s'écriait « Oui, oui, ces temps sont loin de nous. C'est pourtant vrai, nous vieillissons. Quels souvenirs tu nous rappelles, Hahn, quels souvenirs. Tout cela ne nous fait pas jeunes. » Cobus, en retournant chez lui par la rue des Capucins, avait la tête pleine des idées de Hahn. « Il a raison, se disait-il, nous avons vu ces choses qui nous paraissent reculer d'un siècle. » Et regardant les étoiles qui tremblotaient dans le ciel immense, il pensait « Tout cela reste en place, tout cela revient aux mêmes époques, il n'y a que nous qui changions. Quelle terrible aventure de changer un peu tous les jours sans qu'on s'en aperçoive, de sorte qu'à la fin du compte, on est tout gris, tout ratatiné, et qu'on produit aux yeux du nouveau monde qui passe l'effet de ces vieilles défroques ou de ces respectables perruques dont parlait Hahn tout à l'heure. On a beau faire, il faut que cela nous arrive comme aux autres. » Ainsi rêvait Fritz en entrant dans sa chambre, et s'étant couché, ses idées le suivirent encore quelque temps, puis il s'endormit. Le lendemain, il n'y songeait plus quand ses yeux tombèrent sur le vieux clavecin entre le buffet et la porte. C'était un petit meuble en bois de rose, à pieds grêles, terminés en poire et qui n'avait que 5 octaves. Depuis 30 ans, il restait là. Cattel y déposait ses assiettes avant le dîner et Cobus y jetait ses habits. À force de le voir, il n'y pensait plus. Mais alors il lui sembla le retrouver après une longue absence. Il s'habilla tout rêveur, puis regardant par la fenêtre, il vit Cattel dehors en train de faire ses provisions au marché. S'approchant aussitôt du clavecin, il l'ouvrit et passa les doigts sur ses touches jaunes. Un son grêle s'échappa du petit meuble et le bon Cobus, en moins d'une seconde, revit les 30 années qui venaient de s'écouler. Il se rappela Madame Cobus, sa mère, une femme jeune encore, à la figure longue et pâle, jouant du clavecin. Monsieur Cobus, le juge de paix, assis auprès d'elle, son tricorne au bâton de la chaise, écoutant. Et lui, Fritz, tout petit, assis à terre avec le cheval de carton, criant « Hu, hu !» pendant que le bonhomme levait le doigt et faisait « Chut !» Tout cela lui passa devant les yeux, et bien d'autres choses encore. Il s'assit, essaya quelques vieux airs, et joua le troubadour et l'antique romance du croisé. « Je n'aurais jamais cru me rappeler une seule note, » se dit-il. « C'est étonnant comme ce vieux clavecin a gardé l'accord. Il me semble l'avoir entendu hier. » Et se baissant, il se mit à tirer les vieux cahiers de leur caisse, le siège de Prague, la Cenerentola, l'ouverture de la Vestale, et puis les vieilles romances d'amour, de petits airs gais, mais toujours de l'amour, l'amour qui rit et l'amour qui pleure, rien en deçà, rien au-delà. Cobus, deux ou trois mois avant, n'aurait pas manqué de se faire du bon sang, avec tous ses Lucas aux jarretières roses et ses Arthurs aux plumets noirs. Il avait lu jadis Werther et s'était tenu les côtes tout le long de l'histoire. Mais en ce moment, il trouva cela fort beau. « Anne a bien raison, » se disait-il, « on ne fait plus d'aussi jolis couplets. Rosette, si bien faite, donne-moi ton cœur ou je vas mourir. Comme c'est simple, comme c'est naturel, donne-moi ton cœur ou je vas mourir. À la bonne heure, voilà de la poésie. Cela dit des choses profondes dans un langage naïf. Et la musique. » Il se mit à jouer en chantant. « Rosette, si bien faite, donne-moi ton cœur ou je vas mourir. » Il ne se lassait pas de répéter la vieille romance, et cela durait bien depuis 20 minutes lorsqu'un petit bruit s'entendit à la porte. Quelqu'un frappait. « Voici David, » se dit-il en renfermant bien vite le clavecin. « C'est lui qui rirait s'il m'entendait chanter Rosette. » Il attendit un instant, et voyant que personne n'entrait, il alla lui-même ouvrir, mais qu'on juge de sa surprise en apercevant la petite Suzelle, toute rose et toute timide, avec son petit bonnet blanc, son fichu bleu de ciel et son panier qui se tenait là derrière la porte. « Eh, c'est toi, Suze ? » fit-il comme émerveillé. « Oui, monsieur Cobus, » dit la petite. « Depuis longtemps, j'attends mademoiselle Cattle dans la cuisine, et comme elle ne vient pas, j'ai pensé qu'il fallait tout de même faire ma commission avant de partir. »« Quelle commission donc, Suze ?»« Mon père m'envoie vous prévenir que les grilles sont arrivées et qu'on n'attend que vous pour les mettre. »« Comment ? Il t'envoie exprès pour cela ?»« Oh, j'ai encore à dire au juif Schmoulé qu'il doit venir chercher les bœufs s'il ne veut pas payer la nourriture. » « Ah, les bœufs sont vendus ?»« Oui, monsieur Cobus, 350 florins. »« C'est un bon prix. Mais entre donc, Suzle, tu n'as pas besoin de te gêner. »« Oh, je ne me gêne pas. »« Si, si, tu te gênes, je le vois bien. Sans cela, tu serais entré tout de suite. Tiens, assieds-toi là. » Il lui avançait une chaise et rouvrait le clavecin d'un air de satisfaction extraordinaire. « Et tout le monde se porte bien là-bas, le père Christel, la mère Orchel ?»« Tout le monde, monsieur Cobus. Dieu merci. Nous serions bien contents si vous pouviez venir. »« Je viendrai, Suze. Demain ou après, bien sûr, j'irai vous voir. » Fritz avait alors une grande envie de jouer devant Suze. Il la regardait en souriant et finit par lui dire « Je jouais tout à l'heure de vieux airs et je chantais. Tu m'as peut-être entendu de la cuisine. » « Ça t'a bien fait rire, n'est-ce pas ?»« Oh, monsieur Cobus, au contraire, ça me rendait toute triste. La belle musique me rend toujours triste. Je ne savais pas qui faisait cette belle musique. »« Attends, » dit Fritz, « je vais te jouer quelque chose de gai pour te réjouir. » Il était heureux de montrer son talent à Suzel et commença la reine de Prusse. Ses doigts sautaient d'un bout du clavecin à l'autre. Il marquait la mesure du pied et de temps en temps regardait la petite dans le miroir en face en se pinçant les lèvres comme il arrive lorsqu'on a peur de faire des fausses notes. On aurait dit qu'il jouait devant toute la ville. Suzel, elle, ses grands yeux bleus écarquillés d'admiration et sa petite bouche rose entr'ouverte, semblait en extase. Et quand Cobus eut fini sa valse et qu'il se retourna tout content de lui-même, « Oh, que c'est beau » dit-elle, « que c'est beau !»« Bah, fit-il. « Ça, ce n'est encore rien, mais tu vas entendre quelque chose de magnifique. Le siège de Prague, on entend rouler les canons. Écoute un peu. » Il se mit alors à jouer le siège de Prague avec un enthousiasme extraordinaire. Le vieux clavecin bourdonnait et frissonnait jusque dans ses petites jambes. Et quand Kobus entendait Suze, il soupirait tout bas. « Oh, que c'est beau !» Cela lui donnait une ardeur, mais une ardeur vraiment incroyable. Il ne se sentait plus de bonheur. Après le siège de Prague, il joua la Serenentola. Après la Serenentola, la grande ouverture de la Vestale. Et puis, comme il ne savait plus que jouer et que Suzel disait toujours « Oh, que c'est beau, monsieur Kobus! Oh, quelle belle musique vous faites !» il s'écria « Oui, c'est beau, mais si je n'étais pas enrhumé, je te chanterais quelque chose. Et c'est alors que tu verrais Suzel. Mais c'est égal, je vais essayer tout de même. Seulement, je suis enrhumé, c'est dommage. » Et tout en parlant de la sorte, il se mit à chanter d'une voix aussi claire qu'un coq qui s'éveille au milieu de ses poules. « Rosette si bien faite, donne-moi ton cœur ou je vais mourir. » Il balançait la tête lentement, la bouche ouverte jusqu'aux oreilles, et chaque fois qu'il arrivait à la fin d'un couplet, pendant une demi-heure, il répétait d'un ton lamentable, en se penchant au dos de sa chaise, le nez en l'air et en se balançant comme un malheureux, « Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, ou je vais mourir, mourir. » Mourir, de sorte qu'à la fin, la sueur lui coulait sur la figure. Suzel, toute rouge et comme honteuse d'une pareille chanson, se penchait sans oser le regarder, et Kobus s'étant retourné pour lui entendre dire « Que c'est beau, que c'est beau !» il la vit ainsi soupirant tout bas, les mains sur ses genoux, les yeux baissés. Alors lui-même, se regardant par hasard dans le miroir, s'aperçut qu'il devenait pourpre et ne sachant que faire dans une circonstance aussi surprenante, il passa ses doigts du haut en bas et du bas en haut du clavecin en soufflant dans ses joues et criant « Prou, prou !» les cheveux droits sur la tête. Au même instant, Cattle refermait la porte de la cuisine. Il l'entendit et, se levant, il se mit à crier « Cattle, Cattle !» d'une voix d'homme qui se noie. Cattle entra. « Ah, c'est bon !» fit-il. « Tiens, voilà Suzel qui t'attend depuis une heure !» Et comme Suzel alors levait sur lui ses grands yeux troublés, il ajouta. « Oui, nous avons fait de la musique. Ce sont de vieux airs, ça ne vaut pas le diable. Enfin, enfin, j'ai fait comme j'ai pu. On ne saurait tirer une bonne mouture d'un mauvais sac. » Suzel avait repris son panier et s'en allait avec Cattle, disant « Bonjour, monsieur Kobus !» d'une voix si douce qu'il ne sut que répondre et resta plus d'une minute au milieu de la salle, regardant vers la porte tout effaré. Puis il se prit à dire « Voilà de belles affaires, Kobus ! Tu viens de te distinguer sur cette maudite patraque ! Oui, oui, c'est du beau, tu peux t'en vanter !» Ça te va bien à ton âge. Que le diable soit de la musique. S'il m'arrive encore de jouer seulement Père Capucin, je veux qu'on me torde le cou. » Alors il prit sa canne et son chapeau sans attendre le déjeuner et sortit faire un tour du côté des remparts pour réfléchir à son aise sur les choses surprenantes qui venaient de s'accomplir.